Chapitre 11e, une simple overdose. L'appel parvint au commissariat en pleine nuit, mais ne fut relayé que tardivement le lendemain matin. Pourtant, Dutilleul l'avait expressément demandé qu'on l'informe s'il se passait quelque chose en rapport avec les Tournelles. Comme souvent, hélas, la commission avait été oubliée en route. Pourtant, un certain Pierrick Lourjade avait été retrouvé mort d'une overdose dans la chambre qu'il occupait chez ses parents. En fait, c'était l'employé de maison, étonné de ne pas le voir pour un petit déjeuner, qui avait découvert le corps. Pour lui, il était trop tard. La drogue avait fait son effet dévastateur. Les parents, comme il fallait s'y attendre dans ces cas-là, tombèrent littéralement des nus. Pour eux, Pierrick était un bon garçon qui ne touchait pas à ça. Affirmation hélas tout de suite démentie par l'autopsie, le garçon était couvert de piqûres récentes. Interrogé, l'employé de maison ne fut pas longue à se mettre à table. Oui, elle savait que le garçon se droguait, mais elle n'en avait rien dit parce que ce n'était pas ses affaires. De toute façon, elle comptait bientôt quitter les Lourjade. Maintenant que son Pierrick n'était plus là, elle n'avait aucune raison de rester. Elle voulait rentrer au pays, elle en avait trop vu. On ne retrouva pas de lettre. Bertrand Madrier fut à nouveau interrogé, mais comme la première fois, il nia être au courant de quoi que ce soit. L'enquête conclut donc à un empoisonnement accidentel à la cocaïne. Personne, toutefois, ne se demandait d'où provenait la dite cocaïne. Tout le monde voulait classer l'affaire au plus vite. Dutilleul et Bellegarde en discutèrent un peu plus tard. « Deux morts au Tournel, chef. Ça fait tout de même beaucoup, surtout en si peu de temps. »« Ce n'est pas tout à fait exact, Bellegarde. Ce sont deux des pensionnaires qui sont morts. Pardonnez-moi, chef, mais je ne saisis pas la distinction. Pourtant, il y en a une, et elle est de taille. » Les garçons ne sont pas morts dans l'enceinte même de l'établissement. Je ne vois pas vraiment ce que ça change. Ma main au feu que tout le cœur de l'affaire se trouve au Tournel. De vous à moi, Bellegarde, je sais que vous avez raison. Il ne peut pas ne pas y avoir de lien avec les Tournelles. Il y a trop de coïncidences. Néanmoins, il ne faut pas oublier la base de notre métier, les preuves. Je sais que c'est embêtant, mais c'est ainsi. Rien ne dit que Richard Dacroux et Pierrick Lourjade se connaissaient. Tout indique même le contraire. Pas le même âge, milieu social différent. D'un côté un meurtre, de l'autre une overdose. N'oubliez pas que Dacroux, lui, ne se droguait pas. Il aurait pu fournir, chef. Lourjade aurait attendu hier pour consommer. Je n'y crois pas une seconde. Cette coque ne devait pas être en sa possession depuis très longtemps, et Dacroux était hospitalisé depuis 15 jours. Vous ne m'enlèverez pas de la tête que c'est lié, chef. Si c'est lié, c'est aussi lié à l'affaire Grimbert. Je sais, Bellegarde. Seulement, je le dis et je le répète, il nous faut des preuves. On ne peut limiter l'affaire à un blouson laissé sur place. On ne manquerait pas de nous rétorquer qu'il a pu être volé, même si cela me paraît hautement improbable. De plus, Girardin n'a rien récolté de son côté. Néanmoins, on peut voir les parents. Oh, ce ne sont pas eux qui vont nous renseigner, si vous voulez mon avis. En revanche, j'irai bien causer à l'employé de maison. J'ai dans l'idée qu'il n'a pas tout dit. Ce n'est pas une mauvaise idée à la réflexion. Montrez-vous discret, voulez-vous, Bellegarde? N'oubliez pas qu'officiellement, c'est un accident. Qui me paraît tomber à pic? À moi aussi, Bellegarde. Mais n'oubliez pas, il nous faut des preuves. Araminta Lopez ne fut pas longue à s'épancher, et comme Bellegarde était tout disposée à l'écouter. Non, elle n'avait pas tout dit. Elle lui parla longuement de son Pierrick qu'elle avait pratiquement élevé et qu'elle adorait. Oui, il se droguait. Il le lui avait avoué le jour où il avait trouvé un paquet de haschich sous son matelas, 3 ans auparavant. Naturellement, il avait promis d'arrêter, et il avait accepté de ne rien dire. Il y avait eu un court répit où elle pouvait le jurer, il ne prenait rien. Malheureusement, ce n'est que très récemment qu'il était passé à la coke, quelqu'un le fournissait régulièrement. Elle savait que tout avait commencé au cours d'une soirée, parce qu'elle l'avait retrouvé écroulé, nageant dans son vomi. Il avait refusé qu'elle appelle un médecin, et comme personne n'était là. Pour ne pas avoir de problème avec le directeur des Tournelles, il s'était bidouillé un mot d'excuse. Comme il avait l'air réellement malade, il n'y avait pas eu d'accroc. Le directeur avait tout gobé et il s'était même montré d'une grande sollicitude en dispensant Pierrick de revenir en cours avant le début de la semaine suivante. Il avait passé ses quelques jours dans son lit, à dormir la plupart du temps. Elle en était sûre, il avait consommé son stock pendant la soirée. C'était sans doute pour cela qu'il avait été si malade. Manque d'habitude. Ensuite, elle avait régulièrement fouillé sa chambre sans jamais rien y trouver. Elle était mieux placée que personne pour connaître toutes ses planques. Elle l'avait surveillé et lui avait bien montré. Pendant un temps, il s'était tenu à carreau. Il s'était même un peu remplumé. Et Araminta Lopez avait même espéré qu'il finirait par oublier cette déplorable tentative. Alors qu'il replonge comme ça, vraiment, elle ne comprenait pas. C'est pour cela qu'elle voulait rendre son tablier. Quelque part, elle avait échoué à le protéger. Puis, elle ne voulait plus rien avoir à faire avec cette famille. Friquée, certes, mais qui laissait son enfant à l'abandon. Les parents n'étaient jamais là. Le seul contact tangible était le carnet de chèques, ce qui la dégoûtait. Pierrick s'était toujours montré très gentil avec elle. Il lui faisait certaines confidences et c'était vraiment un plaisir de le servir. Quand il rentrait tard, il ne la réveillait jamais. Il se débrouillait tout seul, pas comme les autres qui n'en avaient strictement rien à faire. La mère était particulièrement gratinée, avec ses grands airs, toujours à pérorer, des moi-jeux à longueur de journée. Il fallait constamment complimenter madame, l'approuver dans toutes ses décisions, être aux petits soins. Araminta Lopez n'en avait simplement plus la force. Surtout que Fifi prenait le même chemin, en pire. Pour couronner le tout, le papa semblait trouver la situation des plus normales. Il y avait bien deux autres frères, plus âgés, mais elle les connaissait beaucoup moins bien, car ils volaient de leurs propres ailes. Ils avaient une entreprise qui marchait assez bien, du commerce en ligne, si elle avait bien compris les explications de Pierrick. Lui aussi, après ses études, comptait lancer son propre business. Bien sûr, il n'était plus question de tout cela maintenant. Elle venait tout juste de donner son congé sans regret et n'avait voulu aucune recommandation, aucun certificat ni même gratification supplémentaire. Monsieur s'était montré surpris et avait tenté par tous les moyens de la retenir, mais elle n'avait rien voulu entendre. Elle était demeurée très digne, se justifiant le moins possible. Qu'aurait-elle pu dire de toute façon ? Elle sentait bien qu'il se sentait honteux. Il n'arrivait même pas à la regarder en face. À un moment même, elle s'était demandé s'il souffrait véritablement de la perte de son enfant. Ils avaient bien fini par apprendre la vérité. Elle en était heureuse. Il était temps. Lui était tombé des nues et avait salement accusé le coup. La culpabilité à retardement. Pas parce que son fils était mort, mais parce qu'il se droguait. Cela risquait d'alimenter un certain temps les gazettes, ce qui, pour des gens comme ça, était le plus difficile à accepter. « Voici les gens pour qui je travaillais, » dit Araminta Lopez amèrement. « Plus soucieux du qu'en dira-t-on qu'autre chose. On s'étonne que Pierrick ait sombré dans la drogue, pas moi. » Dutilleul avait décidé de passer une soirée à l'appartement. Il était rentré sur les coups de 6 heures. Il voulait se changer les idées et il savait très bien comment y parvenir. Il y avait quelque chose qu'il n'avait toujours pas fait. Les cahiers étaient toujours dans sa serviette. Monsieur Lelièvre avait tenu parole. Il les lui avait portés à l'auberge de la Vieille Fontaine. Il y en avait 4 au total, 2 rouges et 2 bleus. La couleur rouge était pour le français et le bleu foncé pour les mathématiques. Curieusement, Dutilleul ne ressentit aucune émotion particulière en les feuilletant. Madame Lerouge avait raison, ce n'était pas les cahiers d'enfants studieux. Beaucoup d'exercices étaient incomplets, l'écriture était peu soignée, aussi bien pour Loïc que pour Sandrine. Elle donnait l'impression de se fatiguer encore moins que son frère. D'ailleurs, certains exercices étaient carrément faits par celui-ci. Puis, il tomba sur la page de l'autodictée et regarda la date. Jeudi 8 décembre 1977, autodictée. C'est un très bel été. Maman a mis sa jolie robe rouge. Elle prépare le repas à la cuisine. Papa achète un journal et des fleurs. Il fait très chaud et le soleil brille dans le ciel. Le chat dort dans un coin du jardin et le chien joue avec sa balle. Maman nous appelle. Il faut mettre la table. L'écriture était curieusement bien formée, comme si l'on s'était particulièrement appliqué. Les lettres étaient bien droites. Dans la marge, il y avait un commentaire élogieux, « Vous voyez, quand vous voulez », contresigné par un gribouillis qui devait être la signature du père. Celle de la mère était plus lisible. Dutilleul continua à feuilleter le cahier qui était tout de suite retourné à son état de laisser-aller habituel. Puis, plus rien après la date du 17 février. Les enfants avaient dû être retirés de l'école. Plus Dutilleul y pensait, plus cette page était bien étrange, surtout si l'on considérait la date et les circonstances. Morand avait bel et bien levé quelque chose. Maintenant, il en était convaincu. Comme chaque fin de semaine, Villard voulut faire le point avec Dutilleul. Comme celui-ci s'y attendait, il n'était pas satisfait. « Nous piétinons, Dutilleul. »« C'est que nous n'avons pas grand-chose, monsieur, c'est encore trop frais. »« Tout de même, Dutilleul, deux décès aux Tournelles en un laps de temps aussi court. Admettez que cela fait beaucoup. Au fait, qu'aviez-vous à me demander ?»« J'aimerais assez faire pratiquer une autopsie du corps de Pierrick Lourjade. » Vous savez à qui vous vous attaquez en formulant une telle demande. Les parents ne voudront jamais, et vous ne pouvez pas leur infliger délibérément ce nouveau traumatisme. C'est déjà assez inconvenant comme cela. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ni par curiosité malsaine, mais je pense que certaines choses se doivent d'être vérifiées. Nous serions attaqués de la même façon si nous ne le faisions pas. Vous l'avez dit vous-même, deux décès violents. À quoi est dû ce revirement soudain? Une intuition, comme bien souvent, et au témoignage de l'employé de maison des Lourjades. Parce que vous écoutez les domestiques maintenant. Où allons-nous? J'écoute tout le monde, monsieur, avec la même attention. C'est la base même de mon métier. Enfin, une employée de maison. L'expérience m'a bien souvent démontré que c'est elle, en général, qui en sable le plus. Parce qu'elles connaissent le quotidien, ce qui peut paraître anodin. Elles connaissent les habitudes, et croyez-moi, tout changement, aussi minime soit-il, est toujours très révélateur. Je veux bien. Mais en l'occurrence, dans cette enquête, il n'y a que très peu de choses. Vous en avez vous-même convenu tout à l'heure. Certes. Cependant, un fait m'intrigue. D'où venait la drogue? Ah non, je ne peux pas vous laisser faire. Pourquoi? Parce que l'on est entre gens du monde? Vous pensez que parce que l'on a un nom qui sonne bien, et le compte en banque bien garni, que l'on ne magouille pas? Je ne suis pas si naïf. Néanmoins, ne pourrait-on pas laisser tomber pour cette fois? Il est mort, de toute façon, alors à quoi bon remuer tout cela? Doit-on aussi laisser tomber pour Richard Dacroux, parce qu'il n'était pas du même monde? Riche, ah oui, le garçon battu à mort, ce n'est pas notre secteur. Peut-être, mais je vous rappelle que l'on a trouvé son blouson sur le lieu de l'agression, agression qui, elle, concerne pleinement notre secteur. Ah oui, c'est vrai. Est-on absolument sûr qu'il n'y était pour rien? En étant dans le coma, ça me paraît tout de même difficile. Un coup de chance, toutefois, que l'on ne se soit pas fourvoyé dans cette direction. Vous pensez alors que c'était un geste parfaitement délibéré? Oui, une vengeance, en somme. Parce que celui ou ceux qui ont fait ça écoperont d'une très lourde peine de prison, du moins si on ne les trouve jamais. Pour l'heure, il n'y a pas de mobile. Ça va être du pain béni pour les psychiatres, à moins de jouer très serré. Ça, au moins, vous en avez l'habitude. Il me faut votre aval pour l'autopsie. Dutilleul, si on ne trouve rien, c'est droit dans le mur. Ce qui veut dire... Je vais aller voir la famille, mais je vous préviens, je ne vous garantis pas le résultat. L'autorisation vint pourtant, et on trouva. La cocaïne avait été coupée avec des cristaux de soude. Pierrick Lourjade avait bel et bien été assassiné, mais l'information ne fut pas divulguée. Toutefois, on ne trouva pas la provenance de la poudre, ce qui ne surprit pas Dutilleul outre mesure. Pour la forme, on entouragea l'entourage. La plupart des interrogatoires furent menés par Bellegarde, mais cela ne donna pas grand-chose jusqu'à ce qu'une jeune fille se présente spontanément au commissariat. Bellegarde étant occupée à autre chose, Dutilleul l'a reçue lui-même. Elle s'appelait Aileen Lowell. Elle était la fille d'un attaché militaire américain qui s'était définitivement installé en France à la fin des années 80. Elle avait un an de plus que Pierrick. Quelques mois plus tôt, elle avait brillamment réussi son bac et s'apprêtait à repartir aux États-Unis. Papa lui avait trouvé une place dans une école de commerce à ses côtés. C'était une grande fille blonde, légèrement trop enrobée, qui perdrait rapidement sa fraîcheur, estima Dutilleul quand il la vit. Comme beaucoup de filles de ce type, elle avait déjà eu recours à la chirurgie esthétique, et ce n'était pas complètement réussi. Le nez avait particulièrement pâti de l'exercice. Même à cette heure matinale, elle était fortement maquillée et plus lourdement parfumée encore. Son père ne devrait pas tarder à la marier, car bientôt, pensait tristement Dutilleul, elle ne trouverait plus preneur, ce qui expliquait sans doute ce retour brutal aux États-Unis. Au moins était-elle très correctement habillée, coiffée, et portait déjà des bijoux d'un certain prix. Dutilleul n'en attendait donc pas grand-chose, quand il fut surpris par un esprit plutôt vif, ce qui chassa d'un seul coup sa mauvaise humeur naissante. Oui, Aileen Lowell avait été longtemps la petite amie en titre de Pierrick, à la plus grande satisfaction d'ailleurs des deux familles. Elle avait été reçue de nombreuses fois chez les Lourjades, Il n'avait pas manqué de noter l'extrême attachement d'Araminta Lopez pour Pierrick. Même quand ils s'étaient séparés d'un commun accord, ils étaient demeurés très bons amis. Oui, elle savait que Pierrick se droguait, et elle n'en était pas heureuse. Mais cela n'avait pas été la raison de leur séparation. Non, la raison venait de l'attitude franchement hostile d'Annick, la sœur de Pierrick. Les deux jeunes filles s'étaient cordialement détestées dès la première minute, parce qu'Annick ramait lamentablement en classe. De plus, elle n'avait aucun centre d'intérêt en commun, et Annick se montrait d'une jalousie maladive vis-à-vis de son jeune frère. En gros, elle ne supportait pas qu'il ait une aventure si elle-même n'avait pas préalablement choisi la fille. Comme sur ce plan-là et sur beaucoup d'autres, Pierrick était faible, Hélène avait fini par rompre. Hélène sentait que la situation était sans issue puisqu'Annick ne lâcherait pas. En revanche, Annick se moquait complètement que son frère se drogue à s'en tuer. Elle ne se sentait absolument pas concernée. Là n'était cependant pas le plus intéressant. Depuis quelque temps, Hélène était persuadée que Pierrick avait de sérieux ennuis. À de nombreuses reprises, il l'avait appelée au beau milieu de la nuit, complètement désemparée, répétant sans cesse qu'il n'était pas à la hauteur. À la hauteur de quoi, ça, elle n'avait pu tirer la chose au clair. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il subissait de fortes pressions, et elle n'était pas étonnée qu'il ait fini par craquer, même si les parents, eux, n'avaient rien vu. « De toute façon, » ajouta-t-elle amèrement, « pour ce qu'il s'en souciait. » Pourtant, toujours selon elle, il suffisait de le regarder, pour s'apercevoir combien il était mal dans sa peau. Il avait un complexe d'infériorité très marqué vis-à-vis de ses frères qui avaient réussi, sans rien demander à personne. Ce que Pierrick oubliait dans le même temps, c'est qu'Adrien et Paul n'avaient qu'un an de différence et qu'ils s'étaient épaulés mutuellement. Ils ne s'étaient jamais retrouvés livrés à eux-mêmes. Leurs cousins avaient le même âge. 7 ans plus tard, Annick, la princesse de la famille, était arrivée et depuis lors, elle avait fait l'objet de toutes les attentions. Les aînés, à leur entrée en 6e, étaient partis en pension, ce dont ils n'avaient absolument pas souffert, ayant depuis bien longtemps créé un monde bien à eux. L'établissement leur avait permis de se faire de nouveaux amis, surtout avec ceux qui vivaient une situation semblable à la leur. À la décharge des parents, ils n'avaient jamais manqué de rien, et tous deux avaient bien travaillé. D'un contact agréable, ils avaient décroché des stages, en France puis à l'étranger, sans même l'appui de papa. Ils avaient fait leur monde dans la pension. Ils partaient pratiquement toujours en vacances chez l'un quelconque de leurs copains, dont les familles n'avaient pas tardé à adopter ces deux grands garçons sympathiques, si bien élevés et si entreprenants. Ils avaient toujours mille idées sur le feu, et bientôt, ce qui devait arriver, arriva. Ils montèrent leur affaire et partirent définitivement, fuyant tout contact avec une sœur qu'ils n'aimaient ni l'un ni l'autre. C'était dû au fait que, petit à petit, elle les avait chassés de leur maison, ayant transformé leur chambre, avec l'aval de maman, en salon particulier. Non qu'il lui en veuille, d'ailleurs. Mais il était bien clair dans l'esprit des garçons qu'il n'aiderait jamais cette sœur si capricieuse. Si elle voulait s'en sortir, elle n'aurait qu'à bosser. Pierrick, lui, était arrivé 4 ans plus tard et était un accident. Maman avait oublié sa pilule et quand il s'était présenté, il était trop tard pour avorter. Sa mère ne s'en était jamais occupée, trop accaparée par les caprices d'Annick. C'est ainsi qu'il avait été laissé à la charge complète d'Araminta Lopez. Celle-ci lui avait donné, vaille que vaille, un peu de cet amour dont il manquait tant. Ce n'était pas un enfant brillant comme ses frères, même s'il était très beau. Il était beaucoup plus laborieux et, pour réussir, avait besoin d'une attention constante qu'on ne lui avait jamais donnée. Il faisait pourtant toujours de son mieux, mais son mieux était à peine suffisant. Il manquait de confiance parce qu'il n'avait pas de vraie place dans la famille. D'ailleurs, ne couchait-il pas dans une autre aile de la maison puisqu'Annick avait colonisé le reste? Il avait développé une solitude malsaine. Il n'avait pas de vrais amis. On ne faisait jamais de fête pour lui. Comme un fait exprès, c'était justement à cette époque que les parents s'étaient mis à tant voyager. Pierrick, en quelques mois, était devenu le gardien d'une maison vide puisque, bien entendu, Annick suivait toujours sa mère. Hélène n'avait jamais compris pourquoi les parents n'avaient pas purement et simplement fermé la maison. Pierrick, lui, s'isolait de plus en plus. Puis, comme s'il s'était soudain souvenu de son existence, son père l'avait-il inscrit au Tournel. Au début, Hélène n'y avait rien compris, mais n'étant pas idiote, elle avait bien compris qu'il s'était passé quelque chose. Il y avait eu un déclencheur, un fait grave que l'on avait tout fait pour dissimuler. Hélène avait pourtant fini par apprendre la vérité. Pierrick avait tenté de se suicider. Il n'avait eu la vie sauve que grâce au retour inopiné de son père et d'un ami médecin dont le séminaire avait été annulé au dernier moment. Ils avaient trouvé Pierrick inconscient sur le grand canapé du salon, les fenêtres grandes ouvertes, alors qu'il gelait à pierre fendre. Excès de barbiturique. Pour cela, il n'avait eu qu'à se servir dans l'armoire toujours bien remplie de sa mère et à mélanger. Pierrick avait 14 ans. Cette tentative avait été une claque gigantesque pour son père, car il prenait enfin conscience qu'il avait cet autre fils. Il n'avait pas non plus été ménagé par l'ami qui avait qualifié la tentative de « très sérieuse » et qui l'avait fait admettre, en toute discrétion, cela va de soi, dans une clinique privée. Puis on l'avait envoyé en Suisse pour se refaire une santé. On lui avait fait jurer de ne pas recommencer, et les voyages s'étaient calmés un temps. Au retour de Pierrick de Suisse, Annick avait décrété du jour au lendemain qu'elle allait s'en occuper. La chose fut plus désastreuse encore, car il fut traité tel le dernier accessoire à la mode. Cependant, comme on ne s'était guère occupé de lui jusqu'ici, Pierrick ne protesta pas. Ensuite, Pierrick fut mis aux tournelles et les voyages reprirent de plus belle. « À présent, conclut amèrement Hélène, il est mort. » « Savez-vous qui lui a fourni la coke ?»« Non, je n'ai jamais touché à cela. » Mon père me tuerait, autrement. Je vous remercie de vous être déplacée, mademoiselle Lowell. Pas de quoi, c'est un tel gâchis. Dutilleul n'en pensait pas moins quand il fit un nouveau point avec Bellegarde dans l'après-midi. Comme tous deux avaient la certitude très nette qu'ils n'apprendraient rien de plus, Dutilleul se résolut à convoquer les parents.